Si un jour je pouvais te revoir, avec ce sourire du premier soir, où j'étais amoureux, fou de toi, je ne te quitterai plus jamais. Te revoir, c'est mon désir. J'ai assez souffert de ton silence. Te revoir toute la vie. Te revoir, c'est mon désir. embrasse ma mère. C'est ton père dit on guérit. Nous avons mon talon pour la noue sans guérir. Un bon ami soleil. Autant de moi si non qui peut ou à moi n'y a. Et c'est le jimbi n'a qu'il vous sango n'oua. watibubunya bo na wangwewa e na tutamato imoko neo si singe wete na kelambodi na onitime bamuloko o wangwea go kina beno kamongele to be mine and to have my time. This was yesterday, then you went your way. But what can I see if you've gone away? I don't wanna stay sitting here all alone. I would like to go fly away from